Amis auditeurs, amis auditrices, amis auditrans, bonjour. Dans la série Les Chroniques Virales, voici Naviguer en eau trouble. Écoutez. Gouvernement, présence et salut. Platon. De Martineau et Noé. Paru dans lundi matin d'IS 236, le 30 mars 2020. 1. Le navire de Platon. Cubernétique, la cybernétique, est art de gouverner, et son outil est le gouvernail. De sorte que dans la philosophie classique, sont une seule et même chose le gouvernement et la navigation et, par extension, le navire et la cité. Ainsi, au début du livre 6 de la République, Socrate reprend-il cette homologie, et affirme-t-il que le philosophe se distingue par sa connaissance de la bonne manière de commander, connaissance lui permettant de devenir le bon capitaine, archikos hésestai, formé ici sur la base du mot archai, le commandement principal, ainsi que par sa connaissance de l'art du pilotage, cubernétique. Il doit donc à tout prix éviter que le navire ne soit abandonné aux matelots, qui pourraient s'enivrer et le perdre en d'autres termes, éviter qu'ils ne s'enivrent à leur propre passion, ou aux discours qui excitent leur passion, et en particulier ceux des sophistes, qui sont comme un alcool pour la raison. Ce qui est frappant avec la pandémie que nous traversons actuellement, c'est que ce navire prend l'eau. Le rapport du gouvernement au virus est similaire à celui d'une barque percée dans un lac, ou d'un navire à la coque fendue dans l'océan. L'exploit physico-mathématique sur lequel repose le flottement du bateau, la poussée d'Archimède, est provisoirement suspendu, car le dispositif comporte une faille, un imprévu, qui annule la perfection de son modèle géométrique abstrait. De même, l'état n'apparaît-il plus alors que comme un frêle esquif qui, jusque-là, flottait sur le monde, sur le réel, sur la matérialité du monde, et qui subitement se trouve submergé par lui ou par la possibilité même de sa submersion. Disons en tout cas que le caractère de pure artificialité du gouvernement est mis négativement en évidence par le fait que l'État doit gouverner de l'ingouvernable, tel est l'eau qui s'infiltre dans une cale, tel est le virus qui ne connaît ni autorité ni frontières. Le gouvernement gouverne des sujets, il ne gouverne pas des virus. Or, ce sont des sujets qui transportent les virus. Gouverner les sujets, est-ce alors gouverner le virus ? Confronté à l'infiltration d'eau et à la possibilité du naufrage, le timonier continue de jouer son rôle, et à faire exactement comme si le navire flottait encore, assurer l'étanchéité de son navire, assigner des tâches au sujet, vider l'eau, colmater les brèches, et surtout faire obéir les sujets. Le virus, en tant qu'il n'est ni un sujet, ni un être dont on dispose par domestication, n'est donc pas maîtrisé en sa qualité fondamentale d'agent infectieux, en son être, mais toujours par attribution, parce qu'il contamine. Mais parce que sa présence est irréductible, et parce que le gouvernement des contaminés n'est qu'une mesure temporaire, ainsi colmater les fuites, le virus, instaure en fin de compte l'hétéronomie du réel nature, jusque-là tenue sous le boisseau, jusque-là fictivement dominée, dans le quotidien du sujet autonome moderne et dans son devenir historique. Le cours de l'humanité est aujourd'hui infléchi par une forme de vie non humaine, non consciente, non rationnelle, cauchemar de l'universalisme kantien. Aussi n'oublions pas que le capitaine coule d'ordinaire avec son navire. Mais d'ordinaire seulement. Car, comme lors de la peste de 1720, du choléra de 1832, de la grippe espagnole en 1918, ou plus récemment du sida, l'État a trouvé les ressources pour organiser une réponse biopolitique efficace, et a même trouvé là l'occasion de franchir de nouveaux seuils cybernétiques, et ainsi consolider son emprise. Le virus, en tant qu'être, est-il donc la difficulté à laquelle se heurte le gouvernement ? Le philosophe, nous l'avons dit, se distingue par sa maîtrise de l'art de commander, archo, et l'une des choses fondamentales dont il doit s'assurer est l'obéissance de ses matelots. Cela est particulièrement vrai lorsque se laisse pressentir le naufrage, puisque les matelots, ivres, pourraient se décider de plonger à la mer, avec une bouée, avec une planche de bois, peut-être construire un radeau, dériver, et s'entre-dévorer, comme il arriva à l'équipage déchu de la Méduse, en juillet 1816, au large des côtes mauritaniennes. L'inversion du rapport de domination humanité/nature dont nous faisons l'expérience lorsque nous sommes perdus en haute mer, à plus forte raison dans une tempête, n'ouvre pas seulement à un recul de nos certitudes d'être rationnels et autonomes. Les fondements de l'ordre, de la discipline et de l'autodiscipline sont ébranlés dans le même mouvement, et le recul des uns laisse place au ressac des insubordinations et à l'insurgence possible des manies à des états progressivement aigus d'ivresse. Nous avons vu ces manies s'exprimer dernièrement, rayons de papier toilette dévalisés, échauffourés dans des supermarchés autour d'un paquet de pâtes, achat compulsif de lait, de farine, d'eau, de sucré, bien évidemment, fuite massive des métropoles vers les campagnes. Tout cela nous apparaît comme naturel, comme un ensemble de réflexes contenant leur part de rationnelle peur du manque, incertitude. Mais cette façon de vivre le sentiment de fin du monde est propre à notre époque, et l'on n'en tire pas de parti judicieux si l'on se cantonne à penser ces réflexes comme la seule expression d'une anxiété liée à l'avenir, à la fermeture possible des magasins, ou à l'indétermination relative de la durée du confinement. Ces manies expriment une certaine façon, historiquement située, de vivre la possibilité de fin du monde ou la possibilité d'un naufrage. La nef des fous. À la mi-juillet 1518, à Strasbourg, une femme anonyme se met à danser jour et nuit devant la cathédrale, et est progressivement rejointe par 50, puis par près de 400 personnes, qui dansent sans discontinuer. Rieur Anonymous G. Wheeler, qui assiste aux événements, relate dans sa chronique. N'était-ce pas là une grande punition de Dieu et un rappel à l'ordre que cette maladie contagieuse que beaucoup ont contractée rien qu'en regardant d'autres danser, si bien que le conseil de la ville de Strasbourg leur a payé des compagnons qui dansaient jour et nuit avec les pauvres gens? Les autorités municipales reconnaissent en outre le caractère contagieux et épidémique de la danse. Mais, à l'inverse des cas précédents, car il y en eut, en 1374 notamment, elle ne le considère pas comme une possession démoniaque. Les médecins de Strasbourg concluent plutôt à une maladie naturelle, provenant de elle, échauffement du sang. Ils informent alors les autorités qu'il convient de faire suer les corps dansants des mauvaises humeurs afin de les en débarrasser, ce qui font les édiles, envoyant sur place danseurs et musiciens, mais uniquement des joueurs de fifres et d'instruments à cordes, les tambourins étant proscrits, afin de maintenir cet état de transe jusqu'à purgation des humeurs. Toutefois, comme le note Sébastien Brenck dans ses annales, les pauvres gens souhaitaient qu'on dise des messes pour eux. Le conseil s'est adressé au vicaire épiscopal qui a répondu, cela lui semble inutile. Puisque les médecins pensent qu'il s'agit d'une maladie naturelle, qu'on essaie des remèdes naturels. Or, ajoute-t-il, le conseil, moins éclairé ou peut-être plus poussé par la population superstitieuse, ordonne des exercices religieux. Les malades ont été envoyés à Saint-Guy, et comme ils sont revenus guéris, on a décidé de lui offrir une image en cire pesant un quintal. Saint-Guy, ou Saint-Vite, martyr sicilien du IVe siècle, était associé au « mal de Saint-Guy », c'est-à-dire à une sorte d'agitation incontrôlée des membres. On considère aujourd'hui que ce « mal » désignait en fait la chorée de Sydenham, une maladie infectieuse du système nerveux central, identifiée par le docteur Thomas Sydenham au XVIe siècle, ou peut-être même la maladie de Huntington. Quoi qu'il en soit, dans l'espace rhénan, ce « mal » était connu et courant, et de nombreux rituels étaient en lien avec le saint patron. À proximité de Strasbourg notamment, à Saverne, au Hollandstein, existait une grotte consacrée à Saint-Guy, qui était un lieu de pèlerinage pour les personnes souffrant de ce mal. Selon Grégoire Horstius d'Ulm, 1578 à 1636, la pratique du pèlerinage curateur était encore courante aux XVIe et XVIe siècles dans l'espace rhénan. Je me souviens d'avoir parlé au printemps dernier avec quelques femmes qui, chaque année, visitent la chapelle de Saint-Guy qui se trouve à Drevelossen, non loin de Geilingen, près de Weissenstein, dans le territoire d'Ulm. Cette femme dansait jour et nuit, avec les sens altérés, jusqu'à tomber en extase, moyen par lequel les malades semblent se guérir, afin de ne pas subir des troubles le reste de l'année, au moins jusqu'au prochain voyage, mois pendant lesquels apparaît l'agitation des membres, comme l'on dit, et qui donc les oblige de nouveau à se porter au temps de la fête de Saint-Guy au dit lieu de danse. Une de ces femmes a ainsi dû danser tous les ans dans la chapelle de Saint-Guy pendant 20 ans et plus, une autre pendant 32 ans. Ces propos sont rapportés par Ernesto de Martino dans son enquête menée en 1959 sur le tarantisme, intitulée La Terre du Remords, desquels il conclut que l'épisode de 1518 révélait les caractères d'une catharsis musicale. Certes, on ne saurait passer sous silence le problème de l'intercession avec le saint, à la fois à cause du mal et guérisseur, Pharmaoen, que requéraient d'ailleurs fortement les danseurs et Intercession à laquelle les autorités se montraient au départ hostiles. Et l'on ne saurait oublier non plus que, contrairement au « classique » mal de Saint-Guy, ou encore contrairement à des cas « classiques » de Tarentelle, l'épisode de 1518 était exceptionnel du fait de son caractère collectif. Toutefois, il semble bien que le processus dans lequel s'étaient engagés les « danseurs fous », les « choréomanes », relevait en effet d'un désir d'expurgation. Ce fait est également suggéré par le succès conséquent qu'avait rencontré l'ouvrage de Sébastien Brent « La Nef des Fous », paru quelques années plus tôt, vers 1493. Dans cet ouvrage, satirique, croisant la tradition antique aux mûresses chrétiennes conservatrices, et en particulier le livre de Coëlet, Brent dépeignait l'itinéraire d'un navire peuplé d'hommes touchés par tous les vices de la terre, et naviguant vers « Naragonia », la terre de la « folie », Naren en allemand. Le but visé était de montrer les folies des hommes, et leurs conséquences, afin de produire un effet moralement purgateur sur les lecteurs. La laideur de la comédie antique rejoignait ainsi l'effet de terreur visé par la tragédie, dans une optique socialement conservatrice de sorte que le carnavalesque, auquel l'ouvrage empruntait beaucoup, se voyait largement amputé de sa dimension festive et potentiellement subversive. L'épidémie de danse de 1518, à laquelle avait assisté Brent, empruntait au carnavalesque d'Europe septentrionale, mais aussi au rituel magico-religieux de guérison. Le mal dont souhaitaient se débarrasser les Strasbourgeois est, et demeurera longtemps sans doute, inconnu. Mais nous pouvons néanmoins faire nôtre quelques conjectures, appuyées sur les réflexions contenues dans La fin du monde, du même Ernesto de Martino. Ainsi, le caractère collectif de l'épisode choréomaniaque de 1518 peut sans doute être expliqué par la conjonction entre la connaissance collective d'une certaine forme mythico-rituelle de guérison individuelle d'un mal, danse de Saint-Guy, et sa guérison par pèlerinage, et un état d'anxiété collectif, se caractérisant par un besoin de manifester cette anxiété sous une forme physique non conflictuelle. Mais nous ajoutons l'hypothèse suivante, selon laquelle la clé de cette conjonction se trouve dans la dimension temporelle de cet épisode choréomaniaque. En effet, Saint-Guy est fêté le 15 juin, un peu avant la Saint-Jean, 24 juin, ce saint étant d'ailleurs lui-même associé à la danse, voire considéré comme guérisseur du mal de Saint-Jean, l'équivalent du mal de Saint-Guy, dans certaines régions d'Europe, comme à Molenbeek, soit deux dates qui encadrent le solstice d'été. Or, même si l'épisode de manie collective n'a pas lieu le jour de la fête de la Saint-Guy, il a lieu à la mi-juillet, il se situe toutefois dans la séquence calendaire traditionnellement réservée aux fêtes des moissons, et ravive ainsi les souvenirs des anciennes célébrations païennes et paysannes. Qu'importe ce qui a pu causer cet état d'anxiété collective, il est probable que cet épisode choréomaniaque ait pu constituer une forme collective d'expurgation, se traduisant à la fois par une demande de guérison intercession auprès d'un saint, et à la fois par l'unification du temps collectif autour d'une célébration cyclique. Comme l'écrit E. de Martino. La déshistoricisation du négatif, passé, actuel, possible, résorbe la prolifération du devenir humain, avec ses moments d'incertitude, de précarité, de conflit sans issue, dans l'itération rituelle d'un même acte de fondation mythique. En d'autres termes, lors d'un épisode de « crise de la présence », causé par une obstruction soudaine de « elle », horizon, de nos certitudes ou de nos anticipations rationnelles quant à l'avenir, les individus peuvent être conduits individuellement à des épisodes névrotiques, se traduisant physiquement par une catatonie, ou au contraire par des tremblements du type de la tarentelle, ou collectivement au recours à d'autres formes du temps cyclique, ici, au lieu de linéaire ou échatologique. Qui viennent ruser avec la forme temporelle dans laquelle la présence de l'être n'est plus assurée. Sortir de l'histoire est alors un des modes de réponse à l'anxiété. Et ceux qui en font l'expérience, se trouvant comme coincés dans la prison du présent, peuvent être incapables de bouger, catatonie, ou tentent de rejouer des scènes de fondation du monde. La tarentelle est ainsi l'expérience au cours de laquelle le tarentulé revit sa première piqûre, la choréomanie strasbourgeoise est l'expérience au cours de laquelle la collectivité revit le commencement du monde à travers la fête estivale, associée aux cycles agraires. 3. L'arche de Noé. Nous sommes nombreux à avoir eu le sentiment de vivre dans un film d'anticipation, comme si le futur avait rattrapé le présent et ce, quand bien même de nombreux experts nous montraient que la pandémie résultait de la poussée du passé, ou plutôt, d'un passé obstrué, sur le présent. La vérité se situe sans doute entre les deux, notre insouciance quant à l'avenir était arrimée à nos insouciances passées. Toutefois, la certitude de cet épisode de crise est la suivante, la linéarité du temps a volé en éclats. Le temps de l'économie, malgré ses anticipations, malgré ses futurologies, s'est heurté à de l'événement. Non pas sur le mode de la crise économique de 2008, résultat en dernière instance de mécanismes rationnels de décision, mais sur un authentique imprévisible, en tant qu'élément non humain, non compris dans les logiciels d'anticipation des banques ou de la moindre entreprise. La nature, qui d'ordinaire est rangée au compte des externalités négatives, est devenue agent économique, mise à l'arrêt de la production, baisse des indices boursiers, gel des investissements. Le temps de l'être, celui dont il tire sa qualité ontologique, amoindri toutefois par la synchronisation du temps des êtres et du temps de l'économie mais en cela aussi plus vivement exposé à de tels événements, s'est heurté à une crise de la présence sans précédent, à une obstruction immense et soudaine de l'horizon. Crise du passé, car nous ne possédions pas de repères comparables ou de modèles auxquels se référer, crise de l'avenir, car le souci se trouvait désemparé, crise du présent enfin présent continu et infini, journée si longue et si courte à la fois, quotidien désorienté. Aussi est-ce au cours de cette crise de la présence que sont apparues les manies collectives et ce dans un contexte qui, pour beaucoup, signifiait faire l'expérience du sentiment de la fin du monde. Si tant est que l'on ait effectivement eu affaire à des formes mythico-rituelles, ayant eu pour objectif inconscient de répondre à la destruction brutale de nos certitudes et de notre horizon, quels en étaient les référents? Quels en étaient les effets cathartiques ou curatifs attendus? Se peut-il que, comme les Coréomanes de 1518, nous ayons cherché à rejouer des scènes originaires? Et si oui, lesquelles? Répondre à ces questions mériterait un travail immense, et l'on ne peut qu'évoquer quelques pistes. Il vient en premier lieu en tête l'idée que nous ayons agi en fonction de ce que nous avons pu entendre sur la dernière guerre en Europe, comme si ces récits formaient un champ inconscient qui s'était réactivé. En second lieu, il semble que l'ensemble des spectacles dits « catastrophiques » ou des « anticipations » et en premier lieu la science-fiction, nous ont involontairement habitués à un répertoire de réflexes ou d'images toutes prêtes comme si nous n'avions eu qu'à endosser les costumes de ces personnages de fiction, dans un contexte qui nous paraissait à nous-mêmes comme irréel. Enfin, mais c'est là une association dérangeante, certaines scènes de bagarre entre clients dans les supermarchés faisaient fortement penser à celles que l'on peut voir lors des soldes, ainsi lors des émeutes pour la promotion sur le Nutella en 2018, conflit associé à ce que l'on pourrait appeler une « manie de la rareté », ainsi qu'à un certain fétichisme de la marchandise. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait là une quelconque matière permettant de retrouver une scène de fondation originaire, ni même que soit lisible un quelconque processus de « déshistoricisation du négatif » ou encore la réorientation des activités humaines vers une autre forme de devenir historique. Dans l'ensemble, ce que les manies liées à la pandémie semblent révéler, c'est que nous semblons persuadés de pouvoir nous en sortir par le seul jeu de notre rationalité instrumentale. Ainsi la disparition de notre horizon, ontologique, au cours de cette crise, si elle a révélé d'une certaine manière l'œuvre diffuse de destruction de notre sens du souci, a en même temps grandement affecté notre capacité à proposer au sentiment de fin du monde une réponse qui soit autre qu'une fuite en avant technologique. Le comptage des rations alimentaires se justifie in ultima ratio par l'indétermination de la durée du confinement, la présence des drones dans le ciel se légitime in ultima ratio par le risque de contamination lors de contrôles de police. Les possibilités techno-cybernétiques proscrites en temps normal apparaissent désormais légitimes, parce que dans la crise du confinement, la confiance en la technologie est la seule certitude qui se prolonge. Le continuum technoscientifique est apparemment le seul régime temporel qui, semble-t-il, ait survécu à la disparition de notre horizon ontologique. Pour prendre la mesure du caractère anormal de cette situation, il faut essayer de la penser en dehors d'elle-même. Enfin, il faut prendre la parabole du déluge pour ce qu'elle est en ces temps de crise. Le déluge, comme ce qui nous arrive maintenant, pose la question de savoir quelle relation métaphysique nous allons, et voulons, privilégier en vue de la sauvegarde du monde. Et l'alternative est simple. Ou bien, le bunker anti-nucléaire, composé d'individus atomisés, se croyant rationnellement autonomes, perpétuant des dispositifs techniques sans appréhension éthique, drones, lopins de terre, rations alimentaires, humanité géolocalisée, censée assurer le minimum vital de bonheur. Dans cette optique, il s'agit de retarder indéfiniment le naufrage du navire, en colmatant avec les moyens technologiques les plus sophistiqués les brèches de notre forme classique de souveraineté et, en passant, les vides qui apparaissent dans notre devenir ontologique et historique. Ou bien, l'arche noaïque, dont la condition d'émergence même réside dans une composition éthique avec le monde, seule à même de déterminer ensuite quelque chose comme une techno de la sauvegarde. Que peuvent signifier pour nous, aujourd'hui, ce devenir noaïque et cette techné de la sauvegarde? C'est sans doute là une réflexion à laquelle nous invitent les semaines à venir. Paru dans lundi matin 236, le 30 mars 2020. Signé Amos L. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique. Thank you.